complexe. Il me faut juste un putain de son. Apotrache, encre noire. PO digital, bon. Il n'en faut pas plus que ça. Il n'en faut pas plus que ça. Il n'en faut pas plus que ça. Il ne faut pas plus qu'un regard. Tu veux perdre quelques chicots, il ne suffit que d'un regard. Tu veux crever toutes les poules, il ne suffit que d'un renard. Pour foutre la zizanie, faut le barbu dans l'aérogare. Il te faut juste un banlieusard pour voir venir les gyrophares. L'argent et les femmes suffisent à diviser les hommes. Tu veux t'exploser le crâne, il te faut juste une feuille de plainte. Juste un virage, cousin, souviens-toi d'Ayrton. Aujourd'hui, pour être hip-hop, il te faut juste une paire d'Air Force. Vérifie bien que ta future femme n'est pas une pute. Il ne faudra qu'une seule occasion pour que tous tes voisins la butent. Pour baiser, il ne s'agit que d'une podcast. Pour gérer une vraie michto, il faut de l'or sur le beau mal. Je prierais beaucoup plus si l'argent tombait vraiment du ciel. Aujourd'hui, tout le fogda est vacciné contre la peste. Pour faire pleurer le baveux, il suffit de faire du racket. Braquer Jean-Marie devrait suffire pour passer aux assiettes. Il suffit d'avoir la poche d'Abramovic pour que Chelsea devienne galactique. Pedro Miguel, il est magique. Et Jiménez, il est tragique. Pour se la péter, il disparaît. Quelques euros suffisent pour se faire enlever à Haïti. Tu veux voir la vraie misère, prends-la les simples chez Afrique. Il te faut juste quelques bolos pour que la drogue génère du fric. Les gens pensent que pour rapper, il suffit juste de faire des rings. Ce soir mon encre est vraiment noire, pas de glaçons dans mon whisky. Biatch, il n'en faut pas plus que ça. Il n'en faut pas plus que ça. Encre noire, il n'en faut pas plus que ça. Il ne faut pas plus qu'un gars. De l'oseille, suffit d'une paire de couilles. Un gun, une cagoule, un peu de flair. L'intelligence de rue pour éviter les foules. Pour prendre une douche, suffit de rien. Vas-y, mate les faits divers. Dans ma banlieue, suffit d'un mot travers. Pour te faire niquer ta mère. Les uns veulent du gros boucaf. Mon pote, suffit pour t'enfermer. Les appels passés sur écoute pour voir les keufs débrouler. Suffit d'une caisse pour attirer les gars. Passer sa nuit au pieux, certaines sont pires. Suffit d'un SMS pour les baiser à deux. Je suis pas gourmand, juste un million. Parce que l'argent me rend heureux. Je me dégêne, il suffirait que je me plante pour voir tous les rageux sourire sur mon sort. Suffit d'une dose pour la mort. Et si la drogue nourrit des bouches parce qu'elle se revend au prix fort, merde. Suffit d'avoir le dos tourné pour qu'on te la mette. Mauvais œil sur ton gameau, suffit que tu le gardes pour qu'on te le raye. Suffit juste de porter la camise pour voir GIGN débarquer à coups de bélier. Une bavure et c'est la merde. Suffit que ça brûle pour qu'on t'écoute. Un drame pour qu'on serre les coudes. Quand je suis en perte avec moi-même, la femme suffit pour prendre la route. Suffit d'une faute, retraite. Du permis B, conduire devient un luxe. Parler cru suffit pour faire un putain de bœuf, je te l'assure. Une paire de fesses ne suffit pas pour que je me sépare de mes négros. Suffit de m'appeler, j'arrive direct si tu veux un tube du ghetto. Biatch, il n'en faut pas plus que ça. Il n'en faut pas plus que ça. Encre noire, il n'en faut pas plus que ça. Il ne faut pas plus que ça. Il ne faut pas plus que ça.